bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. L'historien russe Yuri Midvriev a été condamné à 13 ans de camp en régime sévère. Oui, ça vient juste d'arriver. Il est accusé de pédopornographie. Pourtant, lors d'un premier procès, le tribunal l'avait acquitté, estimant que les accusations étaient totalement infondées. Oui, totalement infondées, mais c'est un revirement. Donc les ONG dénoncent une justice manipulée. Oui, Yuri Midvriev est historien du goulag. Il ne peut plus travailler parce que là, il est arrêté. Et d'ailleurs, est-il possible d'étudier le passé de la Russie et de l'URSS? Oui, bien sûr, historiens et historiennes sont à la tâche. Étudier le passé de l'URSS, d'accord, mais avec quelles contraintes? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier et chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. À l'instar de la chanteuse Régine quand elle interprète ce classique de Serge Gainsbourg, les historiens et les historiennes font parler les petits papiers. Ça impressionne, papier carbone, papier de riz ou d'Arménie. Mais qu'en est-il des petits papiers de la Russie, ces archives gigantesques qui nous font fantasmer par les secrets qu'elles préservent? Et d'ailleurs, sont-elles accessibles? Machin, machine, papier machine, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer. Comment écrire l'État russe, l'histoire de la Russie et de l'URSS, à la fois un État graphomane et idolâtre du secret? Historiens et historiennes le réclament. Laissez parler les petits papiers. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à la Russie secrète, mystique russe, contre-culture et KGB, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balade de diffusion et des émissions à commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire, où effectivement, ça cause. Aujourd'hui, classé confidentiel, nous allons visiter les caves du Kremlin. Est-il possible de consulter les archives de la Russie? Ben oui, oui, a priori, officiellement, c'est le cas, oh, la réalité. Et peut-être tout autre pour nous en parler aujourd'hui. Sabine Dulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, vous êtes spécialiste de l'histoire de la Russie au XXe siècle. Vous avez été en Russie dans les années 1990. Je voudrais juste qu'on évoque un moment très particulier. 1991, l'URSS s'effondre, les archives s'ouvrent. Moment de fantasme pour l'historienne de se dire on va avoir accès à tout cela. Vous l'avez vécu ainsi? Oui, tout à fait. Je dois dire que j'ai commencé à travailler sur la Russie parce que c'était la perestroïka et que lorsqu'on est historien, historienne, on se dit que l'ouverture d'archives inédites, c'est quand même une sorte de trésor pour pouvoir trouver des choses inédites, des pépites qu'on ne connaît pas. Donc c'est vrai que ça a été une des motivations pour moi de travailler sur la Russie. Et j'y suis allée d'abord en 88 pendant la perestroïka pour apprendre le russe. Et puis ensuite, je m'y suis installée à la fin de l'année 90, donc j'étais encore étudiante soviétique. Et puis, il y a ensuite eu l'effondrement de l'URSS et finalement les premiers accès aux archives, pour moi, ça a été en 1991. Ouais, 1991, qui est un moment évidemment très particulier hein, dans l'histoire de la Russie. Je dis Russie sur le temps long, la fin de l'URSS. Et vous faisiez vos travaux de recherche sur les diplomates hein, de Staline. Oui, j'avais commencé une thèse sur les diplomates soviétiques, donc les diplomates de Staline, notamment le chef de la diplomatie de l'époque qui s'appelait Maxime Litvinov. Et je dois dire que mes premiers contacts avec l'ex-bureaucratie soviétique, c'était effectivement essayer d'amadouer les archivistes du ministère des Affaires étrangères, là où se trouvait l'essentiel des fonds que je voulais voir, et c'était quand même assez difficile en 91-92. Je sens que ça va être un mot qui va revenir régulièrement dans cette émission. C'était difficile avec nous également pour nous parler de ces archives en Russie. Sophie Curé, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université de Paris, anciennement l'Université Paris 7, hein, c'était Denis Diderot, aujourd'hui c'est l'Université de Paris. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment qui sont directement consacrés aux archives. Je pense à un ouvrage intitulé « Les archives » coécrit avec Vincent Duclerc, ou encore « La mémoire spoliée, les archives des Français, butin de guerre nazie, puis soviétique ». Et ça, il va falloir que nous en reparlions. Et vous avez coécrit un ouvrage, hein, l'une et l'autre, « Frontières du communisme hein, », c'est à la découverte, donc Sabine Dulin et Sophie Curé. Sophie Curie, il y avait, en écho à ce que on vient d'évoquer, un attrait sidérant dans les années 1990 pour les archives de l'État russe. Auparavant, il y avait malgré tout une histoire, mais de quelles sources disposait-on ? Oui, tout à fait. Il y a eu toute une histoire de l'Union soviétique et du communisme sans archives, au sens où les archives étaient soit fermées, ça c'était vrai, soit considérées comme absentes, ce qui était vrai, mais seulement en partie, puisqu'on a découvert tout un océan de cartons et de papiers quand elles se sont ouvertes. Ou alors, et ce qui est intéressant aussi, elles étaient considérées comme fausses, falsifiées, non fiables. Hannah Arendt, par exemple, a écrit des lignes sur le fait que jamais on ne pourrait écrire l'histoire de l'Union soviétique avec des archives. Donc comment est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on faisait autrement. Et il y a eu toute une inventivité des historiens qui ont soit travaillé avec les sources soviétiques, mais encore fallait-il les critiquer. La critique, c'est la base du travail de l'historien, bien entendu, avec des témoins. Et hier, on a entendu Bernard Lecomte qui parlait de la manière dont on pouvait quand même rencontrer des témoins. Et puis, il y a eu aussi tout un travail avec ce qu'on peut appeler vous parliez de contre-culture, on peut parler de contre-archives, c'est-à-dire les archives qui avaient été exfiltrées du non soviétique dès les années 20, avec quelqu'un comme Boris Souvarine qui a fait sortir le testament de Lénine qui disait beaucoup de mal de Staline. Et ces contre-archives ont continué jusqu'à la période de la dissidence. Donc il y avait tout un matériau, mais c'est vrai que les années 90, ça a été, comme le dit le grand historien français Nicolas Werth, une révolution documentaire. Et là, on s'est précipité et suivant de très peu Sabine Dulin, moi aussi, dans les années 90, j'ai pu pénétrer dans ces archives qui étaient jusque-là fermées. Eh bien justement, vivons cette révolution documentaire à travers une émission intitulée Les brûlures de l'histoire. C'était sur France 3 le 5 octobre 1993 et il était question de l'accès aux archives russes. Des secrets bien gardés. Des portes blindées plus hermétiquement closes que la caverne d'Ali Baba et qui s'entrouvrent enfin pour les chercheurs. Pendant plus de 70 ans, seuls quelques agents du KGB et quelques historiens officiels purent pénétrer ainsi dans le Saint des Saints, au deuxième sous-sol des archives secrètes du PCUS. Des millions de documents dormaient dans ces armoires pieusement répertoriées. Comme ce dessin d'un enfant de 12 ans, un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, un garçon plein de promesses qui deviendra un jour Lénine. Sur François, en 1993, l'évocation des archives, avec toute une mise en scène, bien sûr, hein, mais ça correspond bien au sentiment que peut avoir l'historien ou l'historienne qui rentre comme ça en se disant « Mais que va-t-il y avoir dans ce carton que j'ai commandé aujourd'hui ?» Après, il y a une réalité. Il y a la réalité du quotidien, de l'accès aux archives. Sabine Dulin, comment se passait une visite aux archives dans ces années 1990 ? C'est bizarre. Alors bon, c'est vrai que là vous parliez de 93, c'est la première loi sur les archives, donc c'est là où les choses s'institutionnalisent. En fait, le grand moment de grande ouverture d'archives, c'était 92, c'est-à-dire avant la loi, et d'ailleurs certains fonds ont pu se refermer suite à cette loi. Donc en 92, c'était vraiment effectivement l'Eldorado, et le bâtiment qui est évoqué dans le reportage, c'est l'Institut du marxisme-léninisme, dans lesquels il y avait les archives du parti jusqu'en 1953. Et c'est effectivement là que les archives étaient les plus ouvertes à l'époque. Donc on peut dire que dans ces archives-là, le fonctionnement était finalement assez normalisé. Hein, c'est-à-dire que on pouvait avoir accès à des inventaires et ensuite récupérer des dossiers. Alors après, il y avait toute la difficulté des archives russes, c'est des degrés de confidentialité divers. Et donc, certains fonds étaient déjà déclassifiés, d'autres pas encore. En fait, pour chaque sujet, on pouvait avoir des dossiers ouverts et des dossiers encore secrets. On avait des inventaires différenciés en fonction du degré de secret des documents. Donc ça, c'est toute la difficulté. Alors, pour vous donner un exemple concret, moi, pour ma thèse, j'ai dû travailler dans les protocoles du bureau politique. Le bureau politique, c'est l'instance dirigeante du Parti communiste, dans laquelle il y avait Staline et l'ensemble de ses collègues pour les années 30. Et les archives du bureau politique, on avait, pour chaque séance du bureau politique, une sorte de sténogramme d'ordre, un ordre du jour, en fait, des décisions discutées et prises. Et dans cet ordre du jour, on avait certaines décisions mentionnées « dossier spécial ». Cela signifiait que dans les cartons de ces protocoles du bureau politique, on n'avait pas tout. Et certains de ces dossiers étaient mis à part parce que considérés comme plus confidentiels. Et ça dépendait de certains secteurs comme la défense, la répression, mais aussi les affaires étrangères. Et tout cela était mis à part. Et ça, on a mis plus de temps avant d'y avoir accès. Donc moi, très souvent, j'avais une frustration comme ça de voir décision, dossier spécial, ça signifiait que je ne pouvais pas encore avoir accès à ce document. Oui, parce que le travail d'archives, c'est à peu près le même partout. Normalement, il faut se rendre dans la salle des inventaires, donc ces registres où sont indiqués dans tel carton, dans tel dossier, vous allez trouver tel type de document. Puis il suffit de faire une commande et puis on vous apporte à votre table ces documents et vous pouvez travailler avec. Sophie Queuret, c'est un fonctionnement normal de toutes les archives. Et puis le secret est également un fonctionnement qui est attendu. En France, il y a encore certains secteurs des archives qui sont restés secrets, qui sont tout à fait normal. Y a-t-il une particularité de l'État russe ? Oui, parce que les archives ne sont pas conservées d'abord pour écrire l'histoire, même si c'est vrai de plus en plus et qu'elles sont aussi de plus en plus un patrimoine. Elles sont conservées d'abord pour gérer, pour l'administration, pour la continuité du pouvoir, et ça c'est vrai partout. Et c'était vrai aussi en Russie, c'était vrai en Union soviétique. Donc en Union soviétique, il y avait une loi sur les archives, signée de Lénine lui-même en 1918, il y avait une administration des archives, simplement, c'est vrai qu'elle était très singulière, parce que elle était soumise à l'idéologie, c'est-à-dire au service de la construction socialiste. Alors là-dedans, il y avait, comment dire, maintenant, a posteriori, du bon, c'est-à-dire, par exemple, un intérêt pour les archives orales, ou pour les archives de l'économie, puisque c'était un régime marxiste, ou pour les archives du film. Mais il y avait aussi ce régime du secret et une certaine violence aussi faite aux archives qu'on détruisait beaucoup plus facilement ou qu'on pillait, on va peut-être y revenir. Et ce régime du secret, il est continu depuis l'administration, c'est-à-dire depuis la pratique aussi politique du parti, jusqu'à la conservation des archives. C'est-à-dire que c'est un réseau archivistique qui existe, mais qui est complexe, avec ces pratiques aussi d'indexation, de catégorisation qui sont particulières, qui sont politiques. Ce réseau, il faut essayer de le comprendre pour bien comprendre justement ce qu'on trouve et ce qu'on ne trouve pas dans les archives soviétiques et russes, et notamment, par exemple, archives du parti. Il y en a encore toute une partie qui sont, c'est le titre de votre émission, là précisément c'est vrai, dans les caves du Kremlin, c'est-à-dire ces archives du parti qui sont devenues maintenant ce qu'on appelle les archives présidentielles et qui ne sont pas ouverte aux chercheurs. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose. Mais au-delà même de la classification des archives, c'est vraiment les archives reflètent aussi le fonctionnement administratif de l'État soviétique et avec un degré de confidentialité plus élevé qu'ailleurs, dans le sens où il y avait un véritable rationnement de l'information qui était organisé. Lorsqu'on avait une décision politique qui était prise au bureau politique et qu'elle était ensuite envoyée au destinataire, ou bien lorsqu'on avait un ordre du NKVD, les ordres de Iéjov qui lancent les grandes opérations de masse contre au moment de la Grande Terreur en 1937, on a des ordres qui s'appellent 00447, c'est-à-dire un petit peu comme quand on parle des espions, où on a plusieurs zéros qui indiquent un degré de confidentialité. Ces ordres, en fait, étaient envoyés par petits bouts, c'est-à-dire que les exécutants ne recevaient que le point B de l'alinéa B du point 2, etc. Et donc il y avait un véritable rationnement de l'information. C'est aussi le propre d'un système d'arbitraire et totalitaire que de ne pas donner toute l'information à chacun de ses exécutants. Et ce système administratif de rationnement de l'information, on le retrouve ensuite, bien sûr, dans les types de confidentialité des documents, secrets, ultra-secrets, etc. Donc c'est vrai que le classement des archives révèle aussi le type de système politique dans lequel on est. C'est très important de souligner ça. Hein. Sabine Dulin, vous avez parfaitement raison à fréquenter les archives. Très vite, on arrive à identifier les gens, on les connaît presque. Il y a Monsieur Tartampion qui fait ça, puis le document passe ici. Sauf que là, pour ces archives du monde soviétique, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre le fonctionnement. Pour étudier les archives, il faut comprendre le fonctionnement du système qui les produit. Est-il possible de comprendre le fonctionnement du monde soviétique avec les archives dont nous disposons aujourd'hui? En fait, nous sentons que tout est secret. Le mécanisme même est baigné dans le secret, Sophie Curé. C'est vrai, mais on peut le connaître parce qu'on a une source qui est un peu revêche pour le non-initié, mais qui est très importante pour nous, ce sont les archives des archives. Donc comment ça fonctionne? Et on voit par exemple qu'il y a une source très particulière au système soviétique qui sont les cartothèques, c'est-à-dire des immenses fichiers de noms propres. Pourquoi? Parce que le système répressif soviétique identifiait les individus, faisait des fiches, etc. Alors toutes les polices le font, mais là c'est quand même à une échelle incroyable. Donc on a ces archives des archives, et puis on a cette pratique. On connaît maintenant, on a quand même des années d'expérience, donc on connaît l'histoire de ces administrations. Et par exemple, vous parliez de l'histoire du goulag, on peut la faire. On connaît l'histoire de la justice, on a eu accès justement aux archives, à ces archives de la répression. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'il est absolument indispensable aussi de faire appel aux témoins, aux sources matérielles, y compris même par exemple aux fouilles, aux objets sensibles, pour comprendre ce que c'était le système soviétique. Oui, et d'ailleurs Sophie Curé, vous évoquez l'histoire du goulag, et l'historien Yuri Dmitriev a été condamné là à la prison. Alors pour des raisons, c'est toujours très compliqué de commenter une décision de justice, surtout quand c'est en cours, même quand le premier procès l'avait complètement disculpé. Mais cet historien russe est spécialiste du goulag. Est-ce que vous pensez, au-delà simplement de l'accès aux archives, l'interprétation des archives pose encore problème en Russie? Est-ce qu'il y a le regard que l'on peut porter sur l'interprétation même de ces documents? Sophie Curie. Bien sûr, mais alors c'est vrai qu'il y a l'accès, puisque l'accès il était très largement fermé jusqu'aux années 90, il s'est rouvert comme l'a dit Sabine Dulin, et puis quand même il s'est refermé, et c'est toute la question aussi qui nous interroge sur la continuité entre le système soviétique et la Russie actuelle, et notamment incarnée bien sûr par la personne de Vladimir Poutine, vous l'avez dit dans une autre émission, ancien officier du KGB. Donc il y a l'accès, et bien sûr il y a l'interprétation sur des sujets sensibles. Le goulag, c'est vrai, mais c'est compliqué, et c'est vrai aussi beaucoup au niveau local. C'est de l'affaire Dmitriev et est interprétée aussi dans ce sens. Et puis, il y a tout un pan extrêmement problématique, et Sabine Dulin en parlera mieux que moi, ce sont les archives de la politique extérieure, les archives de souveraineté, parce que là, il y a une continuité entre les États, il y a une volonté quasi impériale de l'État russe, et donc par exemple, il y a de gros débats, on va dire, sur les archives, sur les sources, par exemple du pacte germano-soviétique de 1939, en écho direct à l'actualité, aux relations avec les pays baltes, hein. Donc bien sûr, il y a un enjeu d'interprétation au-delà de l'enjeu de l'accès. Justement, Sabine Dulin, sur ces archives diplomatiques, tout cela reste brûlant. Vous avez, vous aussi, eu des problèmes pour accéder à certaines sources? Oui, avant je voulais revenir juste sur Yuri Dmitriev. En fait, c'est vrai que là, il y a une dimension sans doute régionale, hein, et c'est en Carélie que ça se passe, et là, c'est au-delà même des archives, puisque Dmitriev faisait partie de ces historiens liés à l'association Mémorial, qui véritablement font un travail d'exhumation des charniers, en fait, c'est-à-dire vraiment d'arriver à identifier les victimes, les corps des victimes, etc. Donc là, on est au-delà même du travail vraiment dans les archives. Bon, et là, bon, c'est difficile de savoir exactement la dimension régionale de l'affaire. Pour revenir sur la question de ce que peut révéler les archives et de la fermeture, et de cette question très importante qu'a évoquée Sophie Curé de la continuité de l'État. Effectivement, si on est en Allemagne de l'Est, les archives de la Stasi sont ouvertes, l'ensemble des archives de l'ex-RDA sont ouvertes. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne d'aujourd'hui ne se sent absolument pas tributaire de la RDA. Là, il y a une rupture complète entre étatique, entre l'Allemagne d'aujourd'hui et la RDA des temps communistes. C'est pas le cas du tout dans le cas de la Russie. Il y a eu la parenthèse Yeltsin, à un moment donné, où on a voulu faire un procès du Parti communiste et où on a voulu instaurer une forme de rupture entre l'URSS et la nouvelle Russie démocratique. Mais c'est uniquement une parenthèse. Ça a duré le tout début des années 90, le moment où beaucoup d'archives sont sorties d'une manière politique de la part de Yeltsin, comme par exemple les archives prouvant le massacre de Katyn qui ont été données... archidonné aux Polonais, donc ce massacre d'officiers polonais dans la forêt de Katyn, qui avait été nié pendant toute une partie de l'époque soviétique. Et donc Yeltsin reconnaît l'implication de Beria, de Staline et du NKVD dans ce massacre de près de 20 000 officiers polonais, remet ses archives à l'époque au gouvernement polonais de Waleza. Donc là, on a un acte fort de rupture. Mais c'est vrai que depuis la mise en place de la présidence Poutine et puis petit à petit, on a une insistance de plus en plus forte sur la continuité de l'État, sur le fait que l'Union soviétique fait partie de cette longue histoire impériale, de la grandeur russe, etc. Et de ce fait, on a tendance à considérer dorénavant qu'un certain nombre d'archives relèvent du secret défense ou relèvent finalement d'un respect de la souveraineté qui ne doit pas du tout être attenté. Et donc c'est vrai que les archives diplomatiques qui s'étaient ouvertes un petit peu dans les années 90 sont aujourd'hui difficiles d'accès. On n'a toujours pas accès aux inventaires, etc. Alors on peut malgré tout contourner ces obstacles mis aux chercheurs dans l'accès à un certain nombre de documents. On peut contourner justement en allant voir les archives des anciennes républiques soviétiques ou les archives des anciens pays de l'Est. Effectivement, les archives est-allemandes, les archives polonaises, les archives baltes, les archives ukrainiennes sont beaucoup plus ouvertes que les archives à Moscou. Et il y a un petit jeu d'ailleurs, une petite guéguerre par exemple entre la Russie et l'Ukraine. Lorsque certains historiens demandent un document, demandent d'accéder à un document dans les archives soit du KGB, soit du FSB actuellement, soit dans les archives diplomatiques, eh bien, lorsqu'il y a un refus, il peut y avoir par exemple moyen parfois de trouver ce même document en Ukraine, et les Ukrainiens se font à ce moment-là un malin plaisir même de le publier sur Internet pour montrer à quel point ils ont une politique de transparence qui n'est pas celle de la Russie, puisque l'Ukraine, elle, se situe dans une discontinuité totale avec l'URSS, étant donné qu'il y a l'entreprise de décolonisation de l'Ukraine de la Russie. Donc on a vraiment là quelque chose d'intéressant pour arriver malgré tout à accéder à des documents, c'est de pouvoir contourner le centre. Et comme on est dans une civilisation du rapport, telle que l'avait décrit Nicolas Werth, c'est-à-dire qu'on est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un état graphomane. On a énormément de papiers et on a aussi beaucoup de duplicata. C'est-à-dire que on a un document qui peut être à Moscou, mais qui peut être aussi ailleurs. Et de ce fait, il y a malgré tout moyen de trouver des traces de cette histoire en dehors des archives fermées de Moscou. Voilà, ce ailleurs est très intéressant. Les anciennes républiques socialistes soviétiques, mais aussi les États du bloc de l'Est. Et ben justement, vous avez évoqué les archives de la Stasi avec ce paradoxe, hein, archives de la Stasi ouvertes, archives en Russie aujourd'hui fermé, je vous propose d'aller faire un tour sur la constitution de ces archives, mais au moment où il y avait les documents qui étaient produits à travers le film La vie des autres en 2006, un film de Florian Henkel von Donnermark qui évoque ce qui se passait là derrière le micro quand on écoutait un peu. Vous allez voir, ça ne rigolait pas. Eh ben, Honecker, enfin le camarade secrétaire général, voit le soleil et dit: bonjour, mon cher soleil. Bonjour, mon cher soleil. Et le soleil répond: bonjour, mon cher Erich. Et à midi, Erich retourne ouvrir la fenêtre, voit le soleil et dit: bon après-midi, cher soleil. Et le soleil répond: bon après-midi, cher Erich. Et le soir, après le dîner, Honecker retourne à la fenêtre et dit: bonne soirée, cher soleil. Et le soleil ne dit rien. Alors, il recommence: bonne soirée, cher soleil. Eh ben, qu'est-ce que tu as? Et alors le soleil lui dit « Ah, on va te faire foutre, maintenant je suis à l'ouest !» Vous vous appelez ? Votre grade, département ? Adjudant Axel Stiegler, département M. Oui, je n'ai pas besoin de vous dire ce que ça signifie pour votre carrière. Cette histoire est intolérable. Mais non, s'il vous plaît, camarade lieutenant-colonel, c'est parce que j'ai pas voulu... J'ai voulu c'est juste... notre parti que vous avez bafoué. C'était de la haine. Et ce n'est sûrement que la pointe de l'iceberg. J'en référerai immédiatement au bureau du ministre. Mais voyons, c'était une blague. Elle était bonne, hein ? Mais la vôtre aussi. Un extrait du film La vie des autres qui s'intéresse justement à la police secrète en Allemagne de l'Est, la RDA sous Honecker, hein, Honecker qui a dirigé le pays. Cet extrait nous interpelle aussi parce que, et vous l'avez évoqué Sabine Dulin, le KGB est dans ces pays-là. Vladimir Poutine d'ailleurs a été agent en RDA. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui les archives en Russie soient difficiles parfois à consulter est lié au fait que la succession du KGB ou que le KGB dans ce qu'il a laissé en héritage est toujours présent dans la manière de concevoir ce que peuvent être des archives? Les archives ne sont pas là pour les historiens, les historiennes, les archives sont là pour la continuité de l'État. C'est un peu ça, Sophie Curé? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Et l'extrait que vous venez de passer est intéressant aussi parce qu'il montre aussi cette contre-culture de la blague dangereuse, mais en même temps cette oralité qui échappe par définition aux archives, sauf que elle est surveillée par les services. Et donc là, ça devient une source précieuse parce que tous ces rapports, que ce soit en Allemagne de l'Est ou en Russie soviétique, eh bien, nous donnent aussi une information sur l'opposition, sur les résistances, etc. Donc c'est un peu une ruse de l'histoire, si vous voulez, hein. C'est-à-dire que on a cette culture de la surveillance qui donne plus tard, si les archives sont conservées et si elles sont ouvertes, qui donne de très belles sources. Oui, c'est ça aussi qu'il faut souligner. Les sources sont sublimes et ce qui a été ouvert et consulté, d'ailleurs, a permis de changer le regard sur certains aspects de l'histoire de l'URSS. Alors, en ce qui concerne la relation à la production des archives et à leur conservation, c'est vrai qu'il y a une culture et même plus longue que ça aussi, puisque vous parliez aussi de la Russie, aussi bien d'ailleurs peut-être russe que soviétique. Il y a une certaine conception de l'État qui n'est pas un État totalement lié, je dirais. À l'implication des citoyens, qui n'est pas un État démocratique, il n'y a pas eu cette rupture de la Révolution française que nous avons connue, qui donne l'accès des archives aux citoyens. Je voudrais citer le numéro de la revue Les Annales qui va sortir bientôt sur avec tout un dossier sur les archives, et il y a deux articles, l'un sur les archives soviétiques que j'ai écrit, un autre article sur les archives russes, qui montre bien cette longue culture des archives qui ne sont pas des archives, disons, démocratique au sens de l'État libéral, de lié à l'individu. Et par exemple, en Union soviétique, il faut quand même le souligner, il n'y a pas d'archives privées, c'est impossible. Il n'y a pas d'archives d'entreprise, il n'y a pas d'archives de l'Église, il n'y a pas d'archives des citoyens. Donc ça va évidemment créer toute une culture des archives qui est tout à fait particulière, même au-delà de cette relation à la gestion de l'État, à la gestion du secret dont parlait Sabine Dulin. Oui, et puis avec une conception même de ce qu'est le pouvoir qui peut nous étonner à la consultation des archives. Et je pense notamment à ce que nous pouvons trouver comme trace autour de Staline. Et le parallèle est souvent fait avec les archives du nazisme qui, elles, ont été détruites par les nazis eux-mêmes avec la volonté de ne pas laisser de traces, alors que en Union soviétique, il n'y avait pas du tout cette démarche-là de la part du pouvoir. Sabine Dulin. Oui, alors il y a sans doute un sentiment d'être dans le sens de l'histoire et d'avoir une idéologie qui est tout à fait justifiée. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu tant de destruction que cela. Il y a eu des destructions à certains moments. Il y a eu aussi les destructions de la guerre. Mais voilà, on a pu retrouver l'ordre justement de fusiller les officiers polonais à Katyn, signé par Beria et Staline. Donc ce document n'avait pas été supprimé. Donc il n'y a pas cette entreprise effectivement de démantèlement de de des traces de l'extermination comme il y a pu y avoir à la fin de la période nazie. Au-delà de ça, il y a effectivement une vraie des archives. Enfin, je pense que dans l'ouverture des archives, ce qui a sans doute beaucoup frappé un certain nombre d'historiens, ce sont les textes écrits par Staline. C'est-à-dire qu'on a malgré tout, même si Staline écrivait peu et qu'il écrivait surtout quand il était dans sa datcha, donc pendant la période estivale, au moment où il était au bord de la mer Noire ou en Crimée, donc en général c'était en septembre-octobre, et à partir de là il écrivait beaucoup à ses acolytes au Kremlin, Molotov, Kaganovitch, etc. Et là on a vraiment des lettres qui sont tout à fait impressionnantes, des lettres avec une forme d'autorité politique incroyable, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on les lit, qu'on est historien et qu'on les lit à donc des décennies plus tard, on a presque envie d'obéir tellement il y a une sorte d'énergie dans ces lettres, alors même que lorsqu'on les lit, on sait très bien toutes les erreurs politiques lorsqu'il y a la famine en Ukraine, etc. Et on voit comment Staline refuse absolument, considère cela comme une sorte de grève politique des paysans riches et ne considère absolument pas les problèmes économiques. Donc on sait bien toutes les erreurs qu'il y a derrière, mais ça n'empêche pas qu'il y a une forme d'énergie. Et à la lecture de ces lettres, on a aussi découvert à quel point Staline collait à son idéologie. C'est-à-dire que, contrairement à l'image qu'on avait pu avoir d'un Machiavel, d'un Staline Machiavel, qui avait une sorte de double discours, hein, et qui avait l'idéologie pour justifier ses actes, mais qui sur le fond était avant tout un homme de pouvoir qui voulait surtout éliminer ses adversaires, eh bien on s'est aperçu que les deux collaient complètement. C'est-à-dire que d'un côté, Staline était effectivement un animal politique incroyable, qui était constamment en train d'essayer d'éliminer ses adversaires, mais en même temps, il le faisait convaincu par l'idéologie et convaincu d'être dans son bon droit. Oui, c'est ça qui est important avec ces archives-là, c'est que l'on touche à l'individu, à la construction même du pouvoir ou à la conception que le pouvoir se fait de lui-même. C'est toujours un jeu de regard, hein, comment nous concevons les archives ici et puis comment les Russes peuvent concevoir les leurs. Justement, en écho à ce jeu de regard, je vous propose d'écouter une archive qui date du 18 novembre 1968 de la radio-télédiffusion française. Ce sont quand les Occidentaux jettent un œil vers Moscou. Et là, vous allez voir, il y a comme une incompréhension, mais de base. Deux signatures hier soir, celle de l'ambassadeur de France et d'un responsable des archives russes pour cet accord que l'on attendait depuis longtemps. Les responsables de la Fondation Entente franco-allemande, avec en tête André Borde, ne cachaient pas leur satisfaction. Si certains centres d'archives se sont un peu ouverts depuis quelques années, les dossiers des Malgré nous, stockés ici à Moscou, demeuraient inaccessibles jusqu'à maintenant aux familles. Cet accord officiel va débloquer la situation. Hier soir déjà, signe de bonne volonté, les Russes ont remis les copies de 32 dossiers au directeur des archives du Haut-Rhin. Les familles les avaient réclamées. Ces copies concernent des prisonniers alsaciens et mosellans. Ce que nous avons voulu, c'est que les familles qui le désiraient aient accès à leurs dossiers et que ça reste une affaire personnelle. C'est-à-dire que ça n'est pas une administration qui va avoir accès à leurs dossiers, ça n'est pas le voisin, ça n'est pas une association, c'est la famille qui le demande. Boris Yeltsine, qui se rendra bientôt à Paris, ne souhaitait certainement pas venir les mains vides. Cet accord pourtant ne lève qu'une partie du voile. Tous les dossiers des Malgré nous ne se trouvent pas à Moscou. Certains sans doute dorment encore dans des centres d'archives de province. Voilà, une archive qui est partie malgré nous. Une archive qui vient de l'émission Alsaçoir, enfin le journal Alsaçoir sur la troisième chaîne de la télévision française en octobre 1995. Archive extrêmement intéressante, mais archive qui évoque les archives mêmes sur une histoire en fait, sur un destin d'un fonds d'archives. Sophie Curé, vous le connaissez très bien, ce fonds d'archives. Vous avez écrit La mémoire spoliée, les archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique. Vous pouvez nous raconter un peu, déjà, c'est quoi ces archives? Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors c'est vrai qu'il y a une histoire des archives, une histoire de la diplomatie des archives, et particulièrement en temps de guerre, elles deviennent un enjeu de pouvoir, à la fois de gestion très, très concrète, hein, on va saisir les archives par exemple militaires, et puis un enjeu aussi idéologique, c'est saisir les archives de l'ennemi, et c'est l'entreprise qu'avait mené les nazis dès 1940 en saisissant toute une série de fonds d'archives en France, privés comme publics, juifs, francs-maçons, socialistes, mais aussi la Ligue des droits de l'homme, ou encore des quantités d'archives de l'État, du gouvernement français. Elles ont été emmenées à Berlin, cachées dans des territoires de l'Est, trouvées par l'armée rouge. Et là, Staline et Beria ne les considèrent pas comme des archives de leurs alliés de l'époque, la France, mais comme des trophées, et les dissimulent dans un centre secret dans la banlieue de Moscou. Donc c'est toute cette histoire qui a été révélée dans les années 1990. Et à cette occasion, il y a eu tout un mouvement de négociation. On en a récupéré la plus grande partie, pas tout à fait tout malgré tout. Et à cette occasion, on a aussi demandé l'ouverture et obtenu l'ouverture et une partie de restitution des dossiers de ce qu'on appelait les malgré nous, c'est-à-dire ces Alsaciens lorrains embauchés, embrigadés dans la SS. Donc là, ce ne sont pas des archives françaises, ce sont des archives nazies qui ont été elles aussi emportées par les soviétiques. Donc il y a tous ces mouvements d'archives pendant la guerre qui, en quelque sorte, sont en secret pendant la guerre froide et qui ressurgissent dans les années 1990 et qui ont permis de documenter tout l'entre-deux-guerres et la guerre de façon tout à fait nouvelle. Donc là aussi, c'est un butin de l'historien, une surprise pour les historiens que ces archives spoliées, pillées, cachées, qui ressurgissent dans les années 1990. C'est quelque chose d'incroyable, hein. Nous imaginons bien, ce sont les services secrets français, on va dire, qui avaient fait ces fichiers pour savoir qui était communiste notamment. Les nazis les prennent, les emmènent à Berlin, et l'armée rouge récupère et les emmène à Moscou. Ces archives étaient-elles utilisées par les nazis, j'imagine, ensuite par les soviétiques? Y a-t-il eu une utilisation de ces documents? L'objectif était bien de les utiliser, si on parle des archives de la police, bien sûr. Alors les nazis ont eu peu de temps, mais ils ont commencé à travailler dans ces dossiers. On voit des annotations, par exemple, dans les archives de la Ligue des droits de l'homme, qui sont actuellement donc déposées et ouvertes à la bibliothèque La Contemporaine à Nanterre. Les soviétiques ont eu beaucoup plus de temps, et ils ont inventorié ces fonds, et ils ont essayé de les utiliser. Alors là, on renvoie aussi à votre émission d'hier, c'est la pratique du compromat, du compromis. Ils ont essayé de trouver des informations compromettantes sur des individus qu'ils voulaient détruire politiquement, par exemple, soit des communistes qui n'étaient plus bien en cours, ou des Allemands, par exemple, qui avaient été surveillés par les Français, qui étaient devenus nazis. Donc, prouver qu'ils avaient été nazis alors qu'ils étaient vivaient une vie tout à fait normale en Allemagne de l'Ouest. Donc, ils ont essayé, ils l'ont sans doute fait. Alors là, on n'a pas forcément toutes les sources, mais c'est vrai qu'il y a eu ce cheminement souterrain des archives de police qui est tout à fait passionnant. Oui, c'est passionnant. L'histoire même de l'archive est passionnante. Ce qu'on va trouver dans l'archive également l'est. Je vous ai promis une archive, celle du 18 novembre 1968, qui a été diffusée à la radio-télévision, qui raconte comment les Occidentaux regardent Moscou, et vous allez voir, il y a de l'incompréhension. Moscou n'est qu'à 4 heures d'avion de Bruxelles, et pourtant, cette ville paraît plus lointaine que New York ou Tokyo. Elle se situe à la même latitude qu'Édimbourg, et on ne peut s'empêcher d'y penser comme à une ville du Grand Nord, perdue dans une immensité neigeuse. Tout près de nous, Moscou se trouve à une distance psychologique considérable. L'Occident retrouve son propre visage à Casablanca, à Johannesburg, à Sao Paulo. Il ne le retrouve pas à Moscou. On pénètre le mystère et il se reforme derrière vous. C'est un mystère vivant. C'est le peuple de Moscou, les 7 millions de moscovites, qui vous isolent du monde par leur indifférence passionnée. En 1968, nous sentons ce mystère de Moscou, le mystère de Moscou évoqué dans ces années 1960, et peut-être aussi le mystère que peut ressentir quelqu'un qui décide d'aller voir les archives. Vous, Sabine Dulin, chercheuse, vous vous rendez dans les années 1990 aux archives qui viennent de s'ouvrir, merveilleux. Dans Archives secrètes, secret d'archives, hein, de Sébastien Laurent, vous donnez un texte, Le secret et les usages, les archives sensibles, il y a des guillemets, en URSS, et vous racontez concrètement il y a des soucis matériels pour faire de la recherche. Donc déjà, qu'est-ce qu'on vous demandait d'avoir avec vous quand vous alliez consulter des documents ? Oui, c'est vrai que, notamment dans les archives de politique extérieure, il y avait tout un protocole un peu étrange. À vrai dire, à l'époque, il n'y avait même pas de salle d'archives, hein. Salle de consultation des archives. Donc on travaillait à côté du bureau du directeur et on devait laisser des petits cahiers sur lesquels on prenait des notes, hein, puisqu'il n'y avait ni photocopie, ni utilisation d'ordinateur, ni rien du tout. Et donc on prenait des notes sur des petits cahiers qu'on laissait et il fallait un tampon de sortie pour pouvoir ensuite emmener son petit cahier. Donc c'est vrai que c'était des conditions un peu étranges qui malgré tout se sont ensuite normalisées, hein. Donc ensuite on a eu accès à une salle de lecture, même possibilité d'ordinateur, mais il est vrai que les choses restaient compliquées, surtout cette absence d'inventaire qui est vraiment un problème pour un historien, pour un chercheur, quel qu'il soit. C'est-à-dire cette impossibilité d'avoir une vision globale du fond pour pouvoir travailler dans les dossiers. Donc, mais c'est vrai qu'il y avait des usages très divers en fonction des lieux. Donc, dans les archives du parti, c'était plutôt agréable de travailler. On avait tous les usagers des archives connaissaient, voilà, les travers des uns et les avantages des autres. Enfin, on se passait aussi un petit peu le mot. Et donc, il y avait aussi les archives qu'on pourrait appeler les archives nationales, donc les archives de l'État, le GARF, dans lequel, à l'époque, étant donné qu'il y avait beaucoup de fonds qui n'étaient pas encore accessibles dans la salle de lecture, on pouvait y accéder en allant directement travailler dans ce qu'on appelait les Khanilichés, c'est-à-dire les lieux de conservation des archives. Et donc là, on travaillait en contact direct avec les cartons et on avait un énorme personnel, hein, de gens très très dévoués qui connaissaient très très bien leurs fonds. Hélas, qui aujourd'hui, ce sont des vieilles dames qui sont en train de, très souvent, qui ont duré bien après leur retraite, hein, très souvent elles travaillent dans ces archives alors même qu'elles ont plus de 70 ans, mais à un moment donné elles ne seront plus là et il n'y a pas véritablement toujours de relève. Et c'était des dames qui connaissaient très très bien leur fonds et qui vous apportaient des piles de cartons dans lesquelles vous pouviez travailler. Donc on avait un peu le sentiment évidemment d'être dans un système à la fois plus compliqué mais aussi plus privilégié d'un certain côté, puisqu'on n'était pas dans la salle de lecture classique de l'historien dans tous les pays où les archives sont complètement institutionalisées. Tout ça c'est un petit peu disparu, hein. Aujourd'hui on travaille dans les salles de lecture des archives et quand les archives ne sont pas ouvertes, eh bien on n'a pas de salle de lecture. Voilà, au moins comme ça c'est clair. Et puis cette absence d'inventaire, ces registres, hein, qui nous permettent de savoir ce qu'il va y avoir dans les différents fonds, dans tel et tel carton, fait qu'il y a une limite à la recherche. Sophie Curé, vous nous avez évoqué là en début d'émission le fait qu'avant l'ouverture des archives, il fallait ruser, il fallait louvoyer, il fallait croiser des sources venues de ci, de là. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui en fait ? Même si les archives sont ouvertes, nous sentons que par l'absence d'inventaire, par des fonds restés encore secrets, il faut continuer en fait à avoir des petites méthodes de roublard. Je crois qu'on peut d'abord rendre hommage aux archivistes russes, hein, qui sont très bien formés et qui font ce qu'ils peuvent pour justement donner ces inventaires. Il y a beaucoup de mise en ligne, il y a même des numérisations, alors forcément partielles, etc. Mais il y a quand même cette normalisation depuis 30 ans qu'il faut absolument souligner. Alors après, bien sûr, c'est le travail d'enquête qu'on voit aussi en France quand on touche à des sujets sensibles. Il y a des réticences, il y a des dérogations et il y a... l'idée de trouver des sources qui ne sont pas forcément les sources officielles et donc le témoignage par exemple ou l'ego-archive, l'archive de soi, la correspondance, le journal intime, ça c'est vrai pour la Russie peut-être encore davantage que pour d'autres pays, mais on peut travailler dans les archives russes, il faut quand même le dire, quand on pourra bien sûr y retourner, ce que j'espère. Oui, parce que là en plus il y a la pandémie qui vient poser des soucis pour ceux qui veulent faire de la recherche. Avec cette question, dès que nous évoquons les caves du Kremlin, toutes ces archives un peu mystérieuses, vous avez évoqué, Sabine Dulin, les massacre dont on révèle maintenant des secrets. Nous avons plein d'éléments comme ça. Il y a les restes d'Hitler qui sont dans les archives encore de la Russie. Y a-t-il des choses à trouver comme une évidence? Des choses où vous savez, c'est là, on ne veut pas les donner, mais les archives existent. Des affaires à dévoiler encore? Il y a sûrement des tas d'affaires à dévoiler, et notamment des tas d'histoires individuelles, tous ceux qui ont été effectivement poursuivis par le régime et qui voudraient avoir accès à leurs dossiers personnels. Moi, je voudrais rappeler, effectivement, c'est une question des individus. Pour avoir été dans différentes régions de Russie, on est confronté on rencontre des individus qui par exemple ne savent toujours pas comment est mort leur père ou leur grand-père, hein. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un déficit tout simplement de transparence sur le passé. Donc on a encore beaucoup de citoyens de la Russie d'aujourd'hui ou des anciennes républiques soviétiques qui ne savent pas comment leur famille ce qui est aussi le cas dans d'autres régimes, bien sûr, totalitaires dans le monde. Donc, c'est d'abord ça. Les archives, c'est d'abord un lieu où on peut obtenir finalement une réparation pour ce qui s'est passé dans une famille, pour des individus. Au-delà, il y a évidemment les grandes affaires de l'État, je pense que toutes les grandes affaires sont plus ou moins déjà connues. Après, on n'a pas forcément le document qui vérifie complètement l'élément. Mais d'ailleurs, parfois, les documents n'existent pas. Il faut bien voir que les documents ne résolvent pas toutes les questions. Et d'ailleurs, c'était un des problèmes des années 90 où on disait les archives disent que... Les archives ne disent rien, en fait. Les archives doivent être interprétées par l'historien, doivent être croisées. Au bout du compte, on a rarement le document scoop qui permet de répondre à une grande question. Donc, c'est l'interprétation, pour cela, reste le travail de l'historien. Et l'archive n'est qu'un matériau qu'il faut travailler. Ça fait du bien de le rappeler, hein. Vous l'avez fait également, Sophie Curé, de rappeler cette démarche d'analyse, de confrontation des sources et de recherche. Vraiment, merci beaucoup à vous deux. Sabine Dulin, je rappelle l'histoire de l'URSS, hein, c'est à la découverte avec une nouvelle édition et aussi Frontières du communisme. C'est aussi à la découverte avec Sophie Curé. Sophie Curé, il y a plein d'ouvrages, hein, qu'il faudrait citer, mais notamment Les Archives, écrits avec Vincent Duclerc et avec Rachel Mazui. Il y a Cousu de fil rouge, Les voyages des intellectuels français en Union soviétique. C'est CNRS édition Diantre qu'ils ont trouvé ça beau. Bon, après, ils sont peut-être revenus un petit peu sur leur jugement. Merci beaucoup à toutes les deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, mais dites donc, que fête-t-on samedi en Allemagne ? Alors, si la chute du mur a bien eu lieu le 9 novembre 1989, l'Allemagne célèbre sa fête nationale le 3 octobre, jour, cette année, du 30e anniversaire de ce qu'on nomme généralement sa réunification. Mais si l'on veut décrire avec fidélité ce qui s'est passé ce 3 octobre 1990, il faudrait parler d'unification ou de tournant. En effet, les Allemagnes de l'Ouest et de l'Est ne se sont pas retrouvées dans une même entité politique entièrement inventée pour l'occasion. La RDA a accepté d'être absorbée par la RFA. Avec quelques douleurs d'ailleurs, car si la majorité des Allemands de l'Est se sont réjouis de la chute du mur, les années suivantes ont été marquées par le démantèlement systématique de ce qui faisait la RDA, ses entreprises, ses emplois et son modèle social. Une dévalorisation brutale et un choc au contact des réalités de cette intégration des Länder de l'Est. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir.